Vous vous en êtes rendu compte, dans le café, on peut capter des bruits très faibles, comme une conversation à une table voisine, ou beaucoup plus fort, comme la clameur du serveur passant ses commandes. Mais ce n'est qu'un petit échantillon de ce que nos oreilles sont capables. Pour mesurer l'étendue de leur super pouvoir, voici l'histoire d'une sieste qui finit mal. Tout commençait à merveille, pourtant, un lit douillet dans une chambre calme. Écoutez. C'est à peine si l'on entend quelques craquements, un vrai bonheur. Tiens, voilà la pluie qui frappe au carreau de la chambre. C'est agréable, ça berce un peu. Mais, oh, c'est pas vrai, qui a lancé l'imprimante dans la pièce d'à côté? Et l'aspirateur maintenant? Se sont donné le mot, ma parole. Eh oh, vous savez, il y a des gens qui dorment. Bon, j'ai compris. Si même les camions s'y mettent, adieu ma sieste. Un klaxon pareil, ça vous vrille les tympans. Pas étonnant que les embouteillages nous tapent sur le système. Mais revenons à nos moutons. Vous venez de constater que l'oreille humaine peut capter des volumes sonores extrêmement différents. Les scientifiques, eux, ont mesuré ça avec beaucoup plus de précision. Le plus petit bruit que nos oreilles peuvent percevoir correspond à une pression de 0,02 millième de pascal sur nos tympans. Ça ne vous dit pas grand-chose? Eh bien, pour vous donner un point de comparaison, sachez que votre respiration, quand vous êtes calme et reposé, produit déjà une pression trois fois plus forte que ces 0,02 millièmes de pascal. C'est dire la finesse de notre acuité auditive. À l'autre bout de l'échelle, c'est la douleur qui impose sa limite au tympan. On commence à avoir mal au-delà de 20 pascal, soit tout de même une pression 1 million de fois plus grande. Ah oui, j'oubliais, 20 pascal, c'est le bruit d'un avion à réaction qui décolle à 300 mètres de vos oreilles. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça me fait mal rien que d'y penser.